Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, masculin. Est-ce ainsi que les hommes se vivent ? Une série documentaire de Juliette Boutillier, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a le séisme Weinstein, le hashtag MeToo et son cousin Balance ton porc, les zones désespérément grises du consentement et la pétition sur le droit d'importuner les femmes dans le métro, rédigée par celles qui ne le prennent pas. Et puis il y a les jours d'après, ce constat qu'à nous, en tous les cas, il n'est jamais rien arrivé. Et soudain, ces dizaines d'histoires qui remontent à la surface. Alors il y a les conversations qu'on a avec les garçons et cette question qui reste, comment se fabriquent les hommes ? Parce que l'on ne n'est pas homme non plus, on apprend à l'être. Alors pour commencer, les personnages. Un instituteur attentif, des enfants, un père moderne, un pédiatre qui décrypte, une historienne qui déconstruit, un instituteur en robe, des garçons qui peinent à l'école, des collégiens et des collégiennes, un prof un peu raide et une rappeuse hardcore. Ensuite le décor. Une salle de classe, des foulards, de la musique, des Barbies, des Legos, des imprégnations hormonales, des garçons qui ont le droit, une école qui n'est pas paternelle, la campagne, des pantalons et des cheveux coupés, des cartes que l'on donne, de la morale, des échos de Beauvoir, un passage piéton et Montreuil. Aujourd'hui, troisième épisode, on arrive en voiture. En retard. T'as la barbe, docteur. Et l'école, elle est loin. Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent ? Éduquer les fils, l'apprentissage du masculin. Vincent Deck, Juliette Boutillier. C'est ça, ça tourne pas. C'est le quartier. T'es l'instituteur du quartier, quoi. Oui. Je suis l'institut du coin, mais je suis qu'un instit. T'es à des rares hommes, non ? À des rares gars, instit. Ah là, je suis le seul. Dans le métier que je fais, moi, là, instit de maternelle, on est 3%. D'ailleurs, on appelle pas ça l'école paternelle. Voilà. On y est. Marianne, tu prends le bus ou pas ? T'as donné tes bonbons pour ton anniversaire ou pas ? Non ? Avant de partir, c'est ça ? Aaron, on va danser. Faites une belle ronde, s'il vous plaît. Il y a un problème de quoi ? Aux filles garçons, et là, il y a un problème. Donc, faut que je ramène des foulards pour faire le rôle des filles. Des rondes circassiennes et tout ça, vous connaissez ? C'est des rôles de garçons et des rôles de filles. Et comme on a un peu plus de garçons que de filles, il y a des garçons qui sont des fois obligés d'enlacer les rôles des filles. Donc là, on met une petite calotte sur la tête ou un petit foulard. Au début, tu es obligé d'expliquer que tu n'es pas une fille, mais que tu prends un rôle de fille. Ils n'acceptent pas tous. Et après, quand tu expliques bien que c'est un rôle, de toute façon, il y a quelqu'un qui a besoin de l'incarner, ce rôle. C'est comme au théâtre, hein. C'est un rôle. Clément, mon petit frère qui se rêvait rocker et qui est devenu un père, un homme, un transmetteur, nous accueille dans son école maternelle. Nos parents ont cherché avant tout notre épanouissement personnel, quel que soit notre sexe. Le droit des larmes était partagé, mes frères autant que ma sœur et moi pouvions pleurer, avoir mal, sans que jamais le mot nunuche, poule mouillée, fifille ne soit prononcé. Cette absence d'éducation genrée ne nous a pas empêchés d'aller chercher à côté, chez les voisins, à l'école, des modèles de féminité ou de masculinité assez caricaturaux. Adolescents, mes frères se voulaient rockers, surfeurs, skaters et même dictateurs. Pour moi, l'aîné, ce fut un peu plus complexe. à cause d'un livre féministe que ma mère m'avait offert pour mes 10 ans. Le livre s'appelait « Les filles ». Et l'héroïne traitait le petit garçon à la fin de phallocrate. Phallocrate, un mot énigmatique qui m'a longtemps hantée, moi qui trouvais le petit garçon si mignon. Aujourd'hui, dans cette école, avec mon frère Clément, je comprends peut-être mieux l'intention de ma mère. Cette militante du MLF et du MLAC, qui n'avait quasiment jamais été à l'école, voulait peut-être que sa fille connaisse autre chose que son expérience de femme au foyer. En tant qu'homme, pourquoi tu as voulu un jour être instite? Ton choix, c'était vraiment d'être instite en maternelle. J'ai passé le concours et mon premier poste, on m'envoie dans un tout petit village. Et je suis instite de maternelle, j'ai 36 élèves, petits, moyens, grands. Et je suis devenu instite de maternelle parce qu'on m'a envoyé en maternelle. Puis ensuite, c'est devenu un âge dans lequel je me suis inscrit. Il est enchanteur cet âge. C'est un âge où tout est possible. Il faut quand même s'imaginer que quand on arrive à un gamin, il a 3 ans à l'école maternelle, et il quitte l'école maternelle, il a 6 ans. Ça veut dire qu'en fait, il va doubler son temps de vie avec toi. Et il y a très peu d'endroits où en fin de compte, tu revis une vie. Nous, on fait en 3 ans, on demande à un gamin en 3 ans de faire le même chemin que l'humanité a fait en plusieurs millions d'années. Je pense qu'on arrive. Ça fait très mal. On arrive. Qu'est-ce qui fait très mal? Que les garçons, ils sont très forts. Il n'y a pas des filles qui sont plus fortes que les garçons? Ça n'existe pas des filles plus fortes que les garçons? Non, si. Et dans les jeux, il y a des jouets qui sont que pour les garçons et que des jouets qui sont que pour les filles aussi? T'as des jouets que les garçons ils peuvent pas avoir, toi, Léa? T'as des jouets de filles? C'est quoi les jouets de filles, Léa? Les bébés? Les Barbies. Les Barbies. Et bah, des doudous poupées. Les doudous poupées. Ouais. Et les jeux que des garçons? Les jouets que des garçons, c'est quoi les jouets que des garçons? Les Lego. Les Lego, les voitures. Les Lego Ninjago. Les Lego Ninjago. Les voitures. Les personnages Spider-Man. Les Power Rangers. Mais ici dans la classe. Ici dans la classe, il y en a quand même des garçons qui jouent à la poupée. Il y a des garçons qui vont jouer à la cuisine et aux poupées. Ça vous dérange pas? Maintenant, vous pouvez aller chercher vos affaires et vous habiller ici. Emmanuelle Berthiaud, vous êtes historienne et vous vous êtes intéressée à travers le temps à la fabrique du masculin et du féminin. Les petits garçons comme les petites filles, en tout cas chez les élites, ne sont pas élevés peut-être dans leur sexe de manière aussi radicale qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeux de la toute première enfance ne sont pas si différents entre petits garçons et petites filles. On observe par exemple Louis XIII, hein, on a gardé le journal de son médecin là, qui nous raconte tous les petits jouets qui étaient les siens. Eh bien, il joue avec des petites figurines d'animaux, des petites figurines en terre. Il a un petit ménage, c'est-à-dire comme une petite dinette. On l'incite à faire des sortes de travaux ménagers. Alors qu'aujourd'hui, on observe justement beaucoup plus tôt des jeux différents pour les deux sexes. Mais clairement, ce qui distingue le petit garçon de la petite fille, justement à partir de 5 ou 7 ans, en tout cas chez les élites, c'est qu'il va quitter entre guillemets les jupes de sa mère, qui est considérée comme sa première éducatrice, et qu'il va soit être éduqué par un précepteur, par son père, ou ensuite accéder à une école qui n'est pas en général à son domicile, voire il va partir ensuite au collège ou au lycée. Et donc c'est ce départ du foyer familial, cette idée qu'il doit là encore franchir une étape, s'affirmer comme homme en se confrontant à un milieu de l'entre-soi masculin, qui va être fondamental dans son éducation. Et ça, c'est un temps d'apprentissage qui est souvent d'ailleurs douloureux, c'est-à-dire qu'à la fois à l'école, au collège, les garçons vont apprendre ce qui fait partie des valeurs viriles, l'obéissance, le goût du travail, mais également par le biais des châtiments corporels, apprendre aussi à maîtriser leurs émotions, à ne pas pleurer. Ces lieux de l'entre-soi masculin vont être aussi un lieu d'apprentissage auprès des camarades de chansons gaillardes, de mots obscènes, toute une culture de la virilité, qui est un apprentissage aussi de la sexualité qui est très, très important. Et ça se confortera par la fréquentation chez les hommes de lieux spécifiques, la caserne, par exemple, au XIXe siècle, le café, le bordel, qui vont être des lieux qui continuent cette éducation masculine, voilà, dans un entre-soi très important pour cette culture. Oui, tu montres ton doudou. Ah, mais tu le donnes pas. Un avion. Oui, ça, c'est un avion. Dans le ciel. Maman. Eh oui, maman, elle est partie en avion. La poupée Moana, les bateaux et la rame. Le bateau et la rame. Elle est tout nue. Tu enlèves ton pantalon? Mais pas la goutte. Pas la goutte. Ouais, pas... Ah, peut-être que tu veux être tout seul pour enlever la couche. Oui. On va te laisser pour enlever ta couche tranquille. Et beau. Ouais, donc si on ouvre votre blog M'expliqueur. Ça, c'est la page d'ouverture. Avec le tout premier article que j'ai laissé en haut pour expliquer un peu le principe du blog. L'idée, c'est de parler de masculinité et de qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme et qu'est-ce qui est socialement construit dans tout ça et qu'est-ce qui est toxique aussi dans tout ça. Comment ça vous est venu, cette envie de réfléchir aux masculinités toxiques, pourquoi à ce moment-là de votre vie? Parce que je trouve ça assez rare, ce genre de blog et la tentative de s'adresser à d'autres hommes. On m'a proposé il y a quelques années, quand j'étais journaliste, de travailler sur un magazine masculin sans être retombé dans les clichés. Montrer des femmes nues et des hommes qui ont réussi et apprendre comment séduire et comment bien se raser. On m'a proposé ça il y a quelques années. J'ai beaucoup réfléchi et puis bon, finalement ça s'est jamais fait. Mais j'ai gardé cette réflexion. Et puis, à un moment, je suis devenu père d'un fils qui a 2 ans aujourd'hui. Bah, j'ai dû vraiment encore plus me poser des questions. Comment faire pour élever un garçon aujourd'hui pour que ça ne devienne pas un gros macho. Moi, je pense que j'ai personnellement mis quelques années à me réconcilier avec ma masculinité et je voulais contribuer à trouver une façon pour mon fils d'être totalement à l'aise en grandissant. S'il veut mettre des jupes, il met des jupes. S'il veut jouer à la poupée, il joue à la poupée. Plein de choses que j'ai pu m'interdire en grandissant et que même en ayant la meilleure volonté du monde, on va avoir une éducation très genrée et j'ai vu comment très vite... par rapport à mon fils, que j'aurais beau essayer de faire comme si le genre n'existait pas, il a très très tôt appris à reconnaître les hommes des femmes dans la rue. Il disait les papas et les mamans, mais il avait bien compris le principe. Donc on peut essayer d'avoir une éducation non genrée, un truc bête sur lequel... on a essayé de se battre et puis finalement on a laissé tomber. On a très tôt dû essayer de lui apprendre les feux de signalisation et qu'on s'arrêtait quand le petit personnage était rouge. Et mon premier réflexe, c'était de dire « petit bonhomme ». Et ma femme m'a dit « oui, mais pourquoi tu le genres ? C'est pas forcément un bonhomme, ça peut être une bonne femme et tout ». Sauf que dire « petit personnage vert », c'était un peu, ça sortait pas tout seul. Donc finalement, on dit « petit bonhomme vert ». Voilà. Mais voilà, je me dis que de toute façon, dans tous les cas... mon fils, il va dans une crèche où, en fait, il n'y a que des femmes qui s'occupent de lui. Et je ne peux pas l'élever en lui faisant croire qu'on vit dans une utopie où il y a 50% d'hommes et de femmes dans absolument tous les métiers, etc. On ne peut pas faire comme si les problèmes n'existaient pas. Alors, tu vas mettre ton pyjama. Il est de quelle couleur, ce pyjama? Rouge. Il est rouge ou il est rose? Par votre pratique, Stéphane Clergé, votre fonction en tant que pédopsychiatre, vous avez été amené à vous interroger sur comment devient-on un homme. Que s'agit-il des différences réelles ou présupposées autour des filles et des garçons? C'est vrai que la question des différences entre les garçons et filles taraude finalement l'humanité depuis la nuit des temps. Je trouve toujours dommage qu'il faille définir les garçons par rapport aux filles et réciproquement. Je crois qu'on peut dire que quand même globalement, il y a bien plus de points communs que de différences. Donc il y a des différences anatomiques et des différences physiologiques. Y a-t-il d'autres types de différences? Alors, même si les autres types de différences peuvent se percevoir en termes de tempérament, en termes de comportement, en termes de développement, quid de l'inné et de l'acquis dans tout ça, puisqu'on voit qu'un certain nombre de ces différences sont variables aussi selon les époques et selon les cultures. Moi, en tant que médecin, j'ai évidemment vite constaté certaines problématiques spécifiques à un genre ou à l'autre. Déjà, il y a une réalité, en Occident et ailleurs, il naît beaucoup plus de garçons que de filles, parce que la mortalité infantile a toujours été bien plus importante chez les garçons que chez les filles. Et encore aujourd'hui, en France, le garçon apparaît plus fragile à la naissance. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle il serait davantage surprotégé? Parce que ça, c'est aussi un constat qu'on fait, que statistiquement, encore une fois, les études ont montré que les mères, notamment, couvaient, entre guillemets, un peu plus longtemps leurs garçons que leurs filles, et les sevraient moins rapidement. Encore une fois, c'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais ça reste vrai. Apparaissent moins exigeantes avec les garçons qu'avec les filles en termes d'autonomie. Et donc, il y a cette espèce de surprotection, mais qui, on voit, a un support dans la réalité. Le fait que les garçons, à la naissance, sont plus fragiles en termes de santé. Maintenant, les choses, ensuite, se modifient parce que l'attitude des adultes se modifie en fonction du sexe de l'enfant. Avec toute la bonne volonté et le refus des stéréotypes, eh bien, on va pas se conduire pareil avec un garçon et avec une fille quand c'est un nouveau-né. Parce qu'on est imprégné. On est imprégné aussi de notre éducation, puis parce que nous-mêmes, on est figé dans notre identité sexuelle. Et tout ça, évidemment, influence l'enfant. Et en particulier, sur le garçon, on va davantage présupposer de l'agressivité de sa part. Depuis la nuit des temps, les garçons seraient plus agressifs que les filles. On en est persuadé. Et donc, comme on en est persuadé, forcément, un mauvais comportement chez un garçon va apparaître comme de la colère ou de l'agressivité, et chez une fille comme un caprice ou du théâtralisme, par exemple. Bon, c'est vrai que c'était les hommes qui faisaient la guerre, hein. Alors, pourquoi les hommes faisaient la guerre et pas les femmes? Peut-être parce que les femmes donnent la vie et que les hommes, par dépit, se disant « je ne peux pas donner la vie, alors je vais donner la mort », histoire d'avoir une force compensatrice. Ce qu'on note en tout cas, c'est que cette période d'opposition que chacun connaît bien, vous savez, les 2-3 ans, cette fameuse période d'opposition, elle est toujours décrite comme plus forte chez les garçons. Oui, alors les mères ne comprennent pas, avec moi c'est plus dur, avec papa ça se passe mieux. Pourquoi? Alors peut-être l'imprégnation hormonale. C'est vrai que moi, je ne joue pas tout dans les hormones, mais il joue quand même un rôle. C'est vrai que la testostérone, il y a un peu de testostérone qui est sécrétée juste avant la naissance et qui imprègne le cerveau masculin. C'est la seule grande différence physiologique qui existe entre les nouveau-nés. Admettons. Du coup, le petit garçon doit faire plus d'efforts pour contrôler ça. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a plus de petits garçons obsessionnels que de petites filles à maîtriser leur émotion? Pourquoi pas? Moi, ce que je crois en tout cas, c'est que globalement, les enfants étant petits, plus élevés par la mère ou l'équivalent maternel, à savoir la nounou, puisqu'il y a toujours très peu d'hommes, malheureusement, dans les professions de la petite enfance, le petit garçon se retrouve sortant du corps d'une femme et se sachant rapidement garçon. À 3 ans, 90% des enfants se savent fille ou garçon et c'est un caractère définitif. L'enfant prenant conscience que sa mère est femme et que lui, il est garçon, il va s'opposer aussi pour se démarquer sur le plan identitaire d'elle. Et d'ailleurs, ces phases d'opposition sont d'autant plus importantes que les référents masculins de la famille sont absents. Et c'est vrai qu'on s'identifie en s'opposant. Et c'est plus compliqué pour le petit garçon de se construire à cet âge-là par rapport à sa mère, parce qu'il voit des différences. Après, la manière dont on perçoit son corps. Alors oui, le garçon se perçoit garçon parce que, pour faire simple, il a un zizi. Pendant des siècles, les garçons ont cru que les filles étaient celles qui n'avaient pas. D'où les épidémies d'hystérie décrites par Freud. Maintenant, les filles, on leur dit très tôt qu'elles ont quelque chose, sauf que c'est à l'intérieur. Et on commence à le dire aux garçons. Et c'est de bonne aloi. Mais donc, du coup, les garçons ont quelque chose d'extérieur et les filles, c'est plus intérieur. Et est-ce que c'est pour ça qu'à l'adolescence, je le crois, en tout cas, en termes de différence de symptômes, il y a davantage, par exemple, de troubles psychosomatiques, de troubles du comportement alimentaire chez les filles? C'est des troubles de l'intérieur, alors que chez les garçons, on est plus dans des troubles du passage à l'acte. C'est des choses qui sont extérieures. Moi, je crois qu'il y a un lien. Il y a les facteurs culturels, mais à mon avis, il y a aussi ça. T'as semblé que les parents percevaient le fait que tu sois un maître en maternelle. Quand j'arrive dans une école, c'est jamais super bien perçu. C'est dû, il y a toujours de la méfiance. Mais ça, tu le ressens. Ah oui, je le ressens. Et puis ça peut, des fois, ça peut même être violent. Et puis il y a des rapports qui on se permettrait pas d'entretenir avec une maîtresse. Peut-être quelque chose qui est plus frontal. Moi, et puis quelque chose aussi que j'assume. Je suis masculin, non mais je renvoie à une image aussi qui est une image masculine. Non mais c'est vrai. Et voilà, et donc il y a cette masculinité que je mets en avant et qui est un vrai atout dans l'école maternelle. Et alors c'est difficile quand t'arrives parce que il y a un sentiment de... on va mettre les pieds dans le plat, mais les cas de pédophilie, c'est plus souvent avec les hommes. Donc il y a une méfiance naturelle vers l'homme. C'est des enfants qui sont tout petits. C'est la nouveauté, c'est la rupture des habitudes. Toutes mes élèves sont pas amoureuses de moi, mais maintenant, il y a plein d'enfants qui ont été amoureuses de leur maîtresse. Je suis à un âge où il y a quelques petites filles qui... Il y en a une qui m'a dit, il y a deux jours, elle m'a dit, c'est dommage, hein, parce que quand je serai plus vieille, je serai vraiment trop vieux. Et voilà, donc oui. il y a ça, je veux dire, c'est un âge, en plus, sans faire de psychologie de bazar, mais c'était en plein dans le deep, je suis un mec dans un environnement de filles, il y a l'éclatement de la cellule familiale qui fait qu'il y a plein de gamins qui n'ont pas de référence masculine, pour le coup, donc je suis une référence masculine, donc que des enfants vont aller chercher, alors après... une fois que les gens ils te connaissent, et puis maintenant, je sais que si je devais m'en aller de l'école, ça embêterait plus les gens qu'autre chose. Et, ouais. Pourquoi tu penses que peu d'hommes s'orientent vers cette profession? Est-ce que c'est parce que c'est pas assez valorisé? Est-ce que c'est parce que c'est genré? C'est encore considéré comme un métier de femme? Si c'est genré, c'est réellement du fait des collègues hommes. Techniquement, il n'y a rien qui... Puisque là, on est en plein dedans, en plus. Chaque année, tu as une liste de postes qui sont vacants, et toi, tu postules à ces postes-là. Donc, s'il n'y a pas plus d'hommes, c'est qu'il n'y a pas plus d'hommes qui y vont. C'est les hommes qui se l'empêchent. Mais dans l'autre sens aussi, j'ai une collègue, elle fait « Bon, l'an prochain, j'irai en CM2. » Je fais « Ah, c'est bien, vous allez repasser des concours. » Et je me dis « Mais non, on fait le même métier. » Alors, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à l'éducation des garçons, en particulier au XIXe siècle, c'est que les pédagogues préconisent véritablement qu'à partir de 7 ans, les enfants ne soient plus éduqués uniquement par leur mère. Et je pourrais citer par exemple cet extrait du célèbre traité d'éducation de Madame Campan en 1824 qui dit, je cite, « L'austérité des études, la violence des jeux, celle des exercices, tout ce qu'il faut faire, enfin, dans l'éducation des hommes pour tremper fortement leurs âmes viendrait sans cesse heurter l'exquise sensibilité d'une mère. » Donc la mère manque, voilà, de la fermeté nécessaire. Il faut donc que ce soit des hommes qui assurent cette éducation. Et on a un cas où justement certaines mères souhaitent prolonger l'éducation de leurs enfants. Et c'est le cas de la mère d'Alphonse de Lamartine qui réussit à le garder auprès de lui jusqu'à ses 12 ans, âge auquel son père et ses oncles décident de son entrée au collège. Je cite « L'aîné de mes oncles était un homme d'autrefois. Il était bon, mais il n'était nullement tendre. Élevé dans la rue des strictes écoles de la vie militaire, il ne concevait que l'éducation commune. Il voulait que l'homme fût formé par le contact des hommes. Il craignait que cette tendresse de mère fût interposée toujours entre l'enfant et les réalités de la vie, n'énervât trop la virilité du caractère. » Voilà, c'est assez éloquent. C'est-à-dire que voilà, l'enfant doit s'arracher, et c'est d'ailleurs souvent un déchirement, quitter la mère, quitter les sœurs, hein, quitter ce monde féminin rassurant pour aller conquérir justement sa virilité. Ça suppose toujours de sortir justement, et c'est une conquête la virilité. Les femmes vont rester dans le foyer, dans quelque chose qui était lié à leur état d'enfance, les hommes doivent sortir justement de cet état. Et c'est douloureux, souvent. Donc la vie est dure, hein, et c'est vrai que voilà, ça va supposer chez le petit garçon justement d'apprendre à voilà, contrôler ses émotions, ne pas pleurer et arriver à voilà, devenir un homme. Donc est-ce que je peux vous poser quelques petites questions après l'histoire là, que Clément, oui, oui, que le maître vous a lue? Levez la main ceux parmi d'entre vous qui sont des filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien il y a de petits garçons? Toi aussi, tu es deux fois une fille et un garçon? D'accord. Qui est un garçon? Toi aussi, tu es fille et garçon? Toi, tu es garçon, 7. D'accord. Donc, combien j'avais dit de filles? 6 filles. Alors, il y en a qui ont levé la main deux fois. Il y en a qui ont dit « je suis une fille » et puis après « je suis un garçon ». Alors moi, je voudrais une question très très bête. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites avec vos papas? Des fois, je me promène et je fais du dessin avec mon papa. Tu fais du dessin et tu te promènes avec ton papa. T'as une idée? Qu'est-ce que tu fais avec papa, toi? Il s'est endormi dans le canapé. Après, j'ai regardé un truc de 10 ans, mais quand même, c'était un petit peu dangereux. C'était Hulk. C'était... Ah oui, papa, il a regardé Hulk avec toi? Oui. Et qu'est-ce qui a marqué en bas de Hulk? Moins de 10 ans. Ouais, et t'as plus de 10 ans, toi? Non. Hein? Tu ne dois pas regarder des trucs de moins de 10 ans, t'es trop petit. Bah, c'est comme Spider-Man. Bah oui, c'est ça que je disais, moi. Oui, mais est-ce que c'est bien raisonnable de regarder Spider-Man? Non. C'est du 5 ans. C'est pas du 5 ans, c'est du 10 ans aussi. Spider-Man, c'est là, si vous parlez tous ensemble, on va pas se comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Oui, Maxence, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai envie de pipi. Eh ben, on va faire pipi. Tu passes par la bibliothèque, s'il te plaît? Non. Et qu'est-ce qui est que réservé pour les filles et que les garçons, ils ont pas le droit de faire? S'habiller. S'habiller comment? À l'envers. À l'envers? Les filles, elles s'habillent à l'envers des garçons? Non, les garçons aussi, c'est un enfant. Quand je fais la peinture, comment je m'habille, moi, pour faire la peinture? En robe? Oui. Avec le truc là-bas. Pourquoi j'ai pris le truc là-bas? Pour pas te salir. Vas-y, peux le mettre. Je peux le mettre, hein, pas de souci. Hein. Aucun souci à mettre la robe à fleurs, moi. On n'aime pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça, Timéo, alors ma robe à fleurs? Ah, parce que c'est pour les filles. Mais pourquoi ma robe à fleurs, elle est que pour les filles? Des fleurs. Il n'y a que des fleurs, et les fleurs, c'est que pour les filles. Et les feuilles. Et les feuilles. C'est pour les garçons. Oui, mais est-ce que je, maintenant que j'ai mis ma robe, voilà, c'est une question que je vous ai. Est-ce que j'ai mis ma robe, maintenant, ma robe pour pas me salir, hein, je suis toujours un garçon ou pas? Oui. Ouais. Ça ne m'empêche pas d'être un garçon. Ça t'empêche pas d'être une fille. Là, ça ne m'empêche plus d'être une fille. Donc à partir du moment où j'ai mis ma robe, là, je deviens une fille. Non. Vous devez m'appeler maîtresse maintenant. Et maman. Non. Mère. Non, je reste le maître. Pardon? Quand t'as mis de la peinture. Ah, j'ai pas mis de la peinture, c'est hier. C'est pas de la peinture que j'ai mis. C'est du maquillage. Du maquillage, je me suis maquillée hier. Avec du rose. Du rose. Du maquillage rose avec du rose. Avec du oxane. Sur la oxane. Pourquoi j'ai mis du rose? Parce que vous m'avez dit que les bisous c'était rose. C'est pas moi qui ai choisi la couleur. C'est nous. C'est vous qui avez choisi la couleur. Vous m'avez dit que les bisous c'était rose. T'es pas une fille, tu restes un maître. Ah, je resterai un garçon tout le temps, en fait. Et si je me laissais pousser les cheveux, je serais encore un garçon? Bah oui, parce qu'il y a des garçons qui ont des cheveux. Et quand je mets une barrette des fois dans mes cheveux, parce que je mets aussi des barrettes des fois dans mes cheveux. Bah oui. Ah oui, je vous cherche. Je reste un garçon. Et je reste quand même un garçon. Et vous aimez pas ça quand même? Non, je ne sais pas. Au début de l'année, on était arrivés déguisés avec les maîtres et les maîtresses. Et j'étais déguisé en Spider-Man. T'étais déguisé en Spider-Man. Tu serais pas déguisé en princesse? Non. Bah pourquoi? Non. Toi non plus, Timéo, tu serais pas déguisé en princesse? Non. Et toi, Lilou, tu voudrais bien te déguiser en Spider-Man? Pourquoi tu veux pas te déguiser en Spider-Man, Lilou? Parce que c'est une fille. Quel a été le rôle, Emmanuel Berthiaud, du vêtement à travers les siècles dans la construction des petits garçons qui vont devenir des hommes? Alors, ce qu'il faut voir par rapport aux vêtements, c'est que la fonction du vêtement est de distinguer les sexes et le rang social, clairement, hein, depuis très longtemps. Mais ce qui est notable tout de même à souligner dans le vêtement, c'est que depuis la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, la robe habille aussi bien les petits garçons que les petites filles, dès le plus jeune âge. Et que donc, ça n'est pas un élément distinctif du masculin et du féminin. Et clairement, la différence entre garçons et filles dans le premier âge, donc où ils portent cette robe jusqu'à à peu près 4 ou 5 ans, c'est que les petites filles vont garder toujours ce vêtement qui symbolise d'une certaine manière la passivité, l'état d'enfance, alors que les petits garçons accèdent justement au masculin en prenant des vêtements liés à leur sexe à partir de 5 ou 7 ans. Et on voit à travers de très nombreux témoignages, d'écrits privés, que le passage au pantalon, le fait de recevoir le pantalon pour un petit garçon est vécu comme un rite de passage, vraiment quelque chose qui fait accéder à un sexe et qui suscite une fierté souvent chez les petits garçons. Ça s'associait très souvent, et c'est encore valable jusqu'à la fin du 19e siècle, avec la première coupe de cheveux. C'est-à-dire que les petits garçons étaient vraiment distinguables nettement comme garçons à partir de 5 ou 7 ans. Et on est souvent très troublé quand on regarde des portraits ou des photographies d'enfants du 16e, 17e siècle jusqu'au 19e siècle de aujourd'hui ne plus être capable de distinguer les petits garçons des petites filles. Même s'ils se construisent des stéréotypes, ils en ont très peu. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils viennent chacun de chez soi, et c'est presque comme quand les gars ils venaient du service militaire, quand ils arrivent à la caserne, ici ils arrivent à l'école maternelle, ils ont tous leur langue. C'est-à-dire que Ato, ça va être gâteau, et puis pour l'autre, ça va être Toto, et tout ça. Donc ils ont chacun leur langue maternelle, et puis il faut qu'on fasse un lien social. Et cette mise en commun, elle fait aussi que tu vas essayer de t'inscrire dans un commun. Donc, qu'est-ce qui est commun à tous les garçons? L'euro, c'est pour les filles, Spider-Man. Donc, c'est quelque chose qui est structurant pour eux. C'est rassurant, mais à côté de ça, c'est pas fermé. Parce que c'est quelque chose en construction. Ils sont beaucoup moins bloqués ils ont pas de représentation. Parce qu'ils sont en train de les construire, leurs représentations. C'est-à-dire et quand ils te voient en robe, en plus, dans les représentations... C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Mais c'est une part provocation. C'est quelque chose qui est... C'est aussi un élément pédagogique. C'est quelque chose qui est fait pour faire émerger ce genre de représentation et pour en discuter. Mais je trouve qu'il y a un joli groupe, quoi. Il y a une vraie mixité. Il n'a pas l'air vraiment d'y avoir de clan, filles, garçons. Il y a quand même des choses gardées. Hein. Il y a quand même des trucs qui se réservent entre eux. Non, il y a un vrai ancrage. Et puis, bon, il y a quelque chose que moi, je n'avais jamais rencontré ailleurs. Ils se font des cartes de Sainte-Nicolas et de Sainte-Catherine ici. Je pensais que ça avait complètement disparu. Mais en fait, c'est en fin d'année, on va donner à une Catherine, donc à une petite fille, une carte pour lui montrer son affection. Et donc, les petits garçons viennent. Alors, il y en a certains qui ne donnent qu'à leur petite chérie ou à leur favori. Puis, trois semaines après, les filles, en espèce de don contre don, elles vont rendre des cartes. Donc, le rôle de petite fille et le rôle de petit garçon, ils sont déjà très inscrits là, tout petits, mais à 3 ans, on va leur donner des cartes. C'est vrai que moi, au début, j'étais un peu démuni parce que je me disais, mais est-ce que c'est vraiment la place? Puis, si je leur interdis de le faire, je lutte contre quoi? Et puis, comme j'étais convaincu qu'il n'y avait pas grand-chose comme préjudice et que ça n'engageait pas grand-chose, je laisse faire. Thank you. sur le plan éducatif, beaucoup d'efforts sont faits pour que les filles ne limitent plus leur sphère. Le niveau scolaire des filles en 30 ans a monté de manière spectaculaire, hein, parce que bon, si les filles sont entrées à l'école à peu près en même temps que les garçons à la fin du 19e, on se préoccupait peu de leur réussite scolaire, parce que de toute façon, elles n'étaient pas destinées à avoir des métiers nécessitant une grande culture. Donc, ce n'était pas tellement leur affaire, donc elles réussissaient beaucoup moins bien à l'école. Et du coup, au 20e siècle, l'interprétation était toute simple, leur cerveau est trop petit, donc c'est normal. Et puis, à partir des années fin 70, 80, les choses ont changé. Le niveau scolaire des filles qui ont été stimulées, qui ont eu des modèles, a augmenté, n'a cessé d'augmenter. Et maintenant, il a largement dépassé celui des garçons. Et de ça, on ne s'alarme pas. On s'intéresse beaucoup à la fracture sociale, mais on ne se préoccupe pas du tout du fait que la fracture sexuée est aussi importante que la fracture sociale. Rien qu'en maternelle. Aujourd'hui, on axe beaucoup sur le langage en maternelle. Le niveau des garçons en maternelle est bien plus faible que les filles. Les garçons parlent plus tard et moins bien que les filles. Il y a des études qui montrent qu'en tout cas, les garçons qui parlent aussi bien que les filles sont les garçons qui parlent avec leur père. Même si la mère parle autant avec les garçons qu'avec les filles, eh bien la fille va plus progresser. Sans doute parce qu'il y a des facteurs d'identification. Donc, comme c'est encore une fois les mères qui s'occupent des jeunes enfants, ça peut être une des explications. Et pourquoi on ne réfléchit pas à des méthodes pédagogiques différenciées comme on le fait en Finlande? La dysgraphie, la dysorthographie, les troubles hyperactifs, tout ça, c'est une majorité de garçons. Alors oui, on va dire c'est le gène. Comme on disait, les filles, oui, leur cerveau est trop petit. Et puis voilà, et on donne des médicaments. Et les gamins, maintenant les garçons, aux États-Unis, mais aussi en France, sont gavés de Ritaline. C'est un peu comme autrefois, on disait les filles étaient en l'air. C'était pour ça qu'elles étaient trop rêveuses. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas un médicament pour le rêve, hein, parce que sinon, on leur aurait donné des médicaments contre le rêve. Or, tout simplement qu'elles étaient rêveuses, parce qu'on ne leur donnait pas la possibilité d'être dans l'action. Bon. À l'école, 2/3 des enfants en échec scolaire qui au lycée quittent sans diplôme sont des garçons. Une des premières choses à faire, c'est masculiniser le corps enseignant. En maternelle et en primaire, 90% du personnel, je ne parle pas que des enseignants, ce sont des femmes. C'est formidable. Et pourquoi on n'impose pas des quotas? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des garçons qui sont très à l'aise pour apprendre avec des femmes, bien sûr. Surtout ceux, d'ailleurs, dont le père s'occupe des devoirs à la maison. Mais ceux qui, à la maison, le père n'est pas là, eh bien, c'est les femmes à la maison, c'est les grandes sœurs qui réussissent à l'école. Et à l'école, il n'y a que des maîtresses, il n'y a que des modèles féminins. Ça ne gêne pas un certain nombre de garçons, mais il y en a que ça va gêner. Ils vont mieux s'identifier à un sujet supposé savoir du même sexe qu'eux. Parce que oui, on apprend aussi par imitation, par identification. Donc moi, je dis que le remède aux difficultés scolaires des garçons, ça serait déjà d'instaurer la parité homme-femme à l'école, dans le personnel, et on verrait les résultats des garçons monter en flèche. Ah, elle est là. Je te chante une chanson. Even though I met you only recently, I found myself falling in love with you. And I don't know quite how to put this decently. I turn my gray skies blue. Why it's you. Il se bat pas pour s'endormir. Et il s'endort super paisiblement. Alors, je travaille sur un article, mais en fait, j'ai assez peu de temps pour ce blog. Donc, le premier poste, ça s'intitule « On ne va pas faire de vous des hommes ». ». Et ça commence avec une petite bande dessinée qui raconte, voilà, selon la légende, chaque garçon reçoit un colis pour son 11e anniversaire. On voit le petit garçon qui reçoit un carton sur lequel il écrit « Fragile ». Il dit « Papa, maman, elle est arrivée, ma masculinité ». Et le colis contient de nombreux artefacts, du déodorant, des poils, du porno, une souris de gamer pour jouer aux jeux vidéo. Mais attention, ce beau cadeau de la vie est très fragile. Là, on voit le garçon qui a mis son super déo et une jeune fille qui lui dit « Ah, mais ça cocotte tout ce déo ». Ensuite, j'ai dessiné donc sa masculinité qui se fissure. Je peux lire ça aussi, peut-être. Mmh. Ouais. Pour protéger notre masculinité, on peut commencer avec des petits trucs qui n'ont pas l'air bien méchants. On traite nos amis de PD au collège pour bien délimiter ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. On cache qu'en fait, on aime bien Maria Carré. On se pète la clavicule en essayant un trick de trottinette pour prouver qu'on a des couilles. Puis on finit avec des attitudes plus graves comme participer à une tournante pour montrer qu'on n'est vraiment pas un PD. Ouais, mais il y a ce type-là, avec les gros muscles et la virilité glorieusement apparente à travers le slip. Il dit que je suis pas un homme si je ne suis pas comme lui. Ensuite, il y a cet article sur le mythe de la virginité masculine, où, qui est un article un peu personnel pour moi, parce que j'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 25 ans, ce qu'on va décrire comme un peu tardif. Et c'est quelque chose que j'ai pas super bien vécu à l'époque, comme beaucoup de gens s'en douteront. Ça, on passe notre temps à traiter les hommes de puceaux. En faisant ça, on reproduit des injonctions virilistes qui disent que on va prouver qu'on est un homme en ayant une activité sexuelle avec une femme. Est-ce que vous savez où sont vos camarades ? Non, ils sont chez eux. Pourquoi ils sont chez eux ? Ouais. Vous arrivez d'où, les garçons ? On arrive de chez moi. Moi aussi. Vous avez un peu de retard ? Non, j'ai pas de retard. Allez, asseyez-vous. Si vous voulez, monsieur, je vais chercher un billet. Assieds-toi, c'est bon. C'est bien, choisissez, monsieur. Assieds-toi. Bien, je propose qu'on lance. S'il vous plaît, messieurs, vous retirez vos sacs, vous retirez vos vestes. Pas besoin de sortir de... Il est 14, les autres vont arriver, mais je vous laisse. Bien. Alors. Bisous à la police. Juliette. Bonjour. Pour vous dire très vite, on se pose la question de comment on devient un garçon. Comment on devient un garçon? Mais ça dépend. Bah, on devient pas, on l'est. En fait, tu dis l'inverse de ce qu'une féministe célèbre a dit à la fin des années 40. Elle s'appelait Simone de Beauvoir. Elle disait « On ne naît pas femme, on le devient ». On le devient parce que la société nous force à intégrer des codes. Les petites filles doivent s'habiller en rose, doivent jouer à la poupée, les garçons doivent s'habiller en bleu. Et tout ça, c'est la construction du genre. C'est pour ça qu'on a travaillé sur les deux clips de rap et le film Tomboy. C'est quoi être un garçon? C'est quoi être une fille? Quand je vous montre la rappeuse Kazé, elle a un look de garçon ou de fille? De garçon. De garçon, mais en fait, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose d'avoir un look. C'est d'où la question qu'on vous pose. Qu'est-ce que ça veut dire être un garçon, devenir un garçon? Est-ce que les garçons sont obligés de répondre à des codes? Non. Est-ce qu'un garçon, c'est nécessairement viril? Ben non, pas du tout. Ça dépend des cultures aussi, parce que, par exemple, chez nous, si un homme, ben c'est un homme, faut que, voilà, faut qu'il prenne ses responsabilités d'un homme. Et une femme, pareil. On parle de patriarcat. Ça veut dire que dans nos sociétés, on considère que c'est l'homme qui est le chef de famille, entre guillemets. Il y a des sociétés matriarcales, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des sociétés dans lesquelles on considère que c'est la femme qui décide de tout. de vrai des fois. Hein. Ben. Non, c'est vrai. Attends, tu vas te faire boulot sport par avec nous. Mais la vie, il a raison. Bien. Est-ce qu'on peut regarder le rat que vous avez déjà regardé? Combat, combat, là, des madames. Et tu as kiffé, je veux. C'est le rat de Vince. Pardon. Ça, c'est du sel. Tu veux quoi? Dans ce décor, on est temps qu'on casse des portes. Chante entre elles, balance des bords. C'est qu'à longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux qui ont prévu bitch pour une critique. Que la femme est de son corps, qu'on soit d'accord. J'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses torts. Non, ses pores me dégoûtent. Alors écoute, faudrait peut-être qu'on les découpe. Pour que tu t'en battes moins les couilles, certaines abusent. Mais je vois plus des gamines perdues que des salopes. Plus un viol, ça reste un viol, ça dépend pas de la taille de sa robe. Et toi qui cries, c'est toutes les mêmes, t'as rien compris. Oh la salope, dans cette histoire, c'est surtout toi et ta connerie. Les traités de pute, c'est plus facile que d'admettre qu'elles veulent pas prendre un verre avec toi. Car tu sais pas, tu prendras avec, tu gonfles les pecs et les abdominaux. Il faut qu'on se rappelle que dès la naissance, les garçons et les filles sont conditionnés. On attend d'une petite fille qu'elle soit bien sage, bien discrète, bien élevée, comme une future princesse. Et on apprend aux petits garçons à se comporter comme des super-héros, à avoir du pouvoir sur les choses. Dans la tête, c'est des rêves de princesse qu'on t'a mis, t'as pas compris. T'as mis une robe, le prince t'a demandé ton prix. C'est dès l'enfance dont on t'a mis. On l'a revu donc. C'est bien de l'avoir revu, ça vous permet de le réentendre, le... comprendre peut-être un peu différemment. Vous en pensez quoi de ce clip et de ce texte? Pourquoi? Bah, il dit la vérité. Bah que au début une fille c'est faut truquer comme une princesse tout ça et que les hommes bah un peu plus virils quoi. Il parle des femmes objets aussi. Que la femme doit faire ce que l'homme dit alors que non. Et il dit que ça doit venir d'où la réaction contre le sexisme? Des femmes. Des femmes? Seulement des femmes? Des hommes? Ça doit venir des lois ou ça doit venir des gens? Des gens. Des deux? Dans le clip, on nous dit que des femmes, ce sont des objets, choses comme ça. Mais pourtant, dans le clip, il n'y a que des hommes. On ne montre aucune femme. C'est ce que je ne comprends pas vraiment. En gros, ça fait réfléchir. Parce qu'il y a des rappeurs, ils arrivent à faire passer des messages. Comme je dis PNL et moi, la squale. Mais les autres rappeurs, ils font du rap pour ambiancer. Mais en effet, ils font passer des messages, mais en même temps, c'est ambiance. Donc ça, c'est bien. Merci à tous. À demain. Bon, ils sont à peu près tenus. Ils ont pouffé de rire comme des élèves de 4e, des garçons de cet âge-là. Ce que je retiens un peu de cet échange, c'est que si Booba ou PNL avaient l'excellente idée de faire un morceau féministe, ça ferait grandement avancer les choses. De même que Omar, dans la série The Wire, a déconstruit un peu les préjugés homophobes. Bon. Pour en revenir aux garçons, comment vous voyez la masculinité aujourd'hui là, dans ce collège, les garçons? Alors, ce collège, c'est un collège, un des 9 collèges de Montreuil. C'est un collège au milieu des tours, donc c'est un collège populaire. Mais c'est pas non plus un collège ghetto. La masculinité des garçons, eh bien, c'est souvent une façade. Dans les faits, dès qu'on commence à creuser, à échanger avec eux, ils sont beaucoup moins caricaturaux qu'ils ne laissent voir ou entendre au premier abord. Je pense qu'on a un gros travail de conscientisation, d'accompagnement, d'éducation et d'instruction. C'est le rôle des enseignants, d'ailleurs, le double rôle de l'éducation nationale. Mais sur tous les sujets, on va nous dépeindre le garçon de banlieue comme un individu affreusement homophobe, antisémite, sexiste. C'est en grande partie faux, même si il y a évidemment des présupposés, des préjugés à déconstruire. Si nous, on le fait pas, je suis pas certain que les familles le fassent, parce que les pères, par exemple, sont très absents. Donc la mère est élevée au rang d'icône, de princesse, pour le coup, tandis que le père est souvent très absent, et quand il est présent, il est violent. Voilà. On évite d'appeler les pères, nous, quand il y a un souci avec les élèves, parce que les pères, Les pères tapent direct les jeunes. Voilà. Pour avoir des parents présents, il faut arriver dans rencontrer les parents d'élèves de la classe moyenne, tout simplement. Là, il y a un véritable suivi. Ça ne veut pas dire que tous les enfants des classes populaires sont abandonnés par leurs parents. Bien sûr que non. Mais on pense d'abord à la survie financière avant le suivi des devoirs, à condition d'être capable de suivre. Voilà. Donc nous, on a une énorme mission en tant qu'enseignant, en tant que personnel de l'éducation nationale. Est-ce qu'on a les moyens de l'assumer? J'en suis pas du tout certain. Et dans la répartition des sexes, en tant qu'enseignant, le fait que vous soyez un homme, est-ce que ça change par rapport à vos collègues femmes dans la transmission aux garçons ou aux filles? Peut-être. Le fait que je sois un homme entraîne une certaine souplesse au niveau de la tenue de la classe. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins ferme qu'une enseignante. Une enseignante va être beaucoup plus rigoureuse, rigide. Moi, je peux laisser filer parce que je peux rattraper derrière physiquement si besoin. Ensuite, pour eux, je suis une figure rassurante. Un homme assez viril, marié, père de deux enfants. Si je leur parle d'homophobie, de sexisme, c'est intelligible et légitime. Je vivais avec un garçon et qu'il le savait, peut-être qu'il me considérerait moins légitime. Je sais que c'est absolument stupide, mais c'est comme ça. Quand j'ai fait un projet avec une classe de 4e il y a 3 ans et la rappeuse du Blanc-Ménil Cazé, c'était tout de suite un peu plus compliqué. Parce que Cazé a un look très masculin, fait du rap conscient, hardcore, mais ce qui... Ils étaient ravis de la rencontrer. Les filles ont été particulièrement pénibles avec elle. Non pas les garçons, mais les filles. Parce qu'ils me disaient, mais pourquoi vous ne vous habillez pas comme une fille? Pourquoi vous ne mettez jamais de robe? Pourquoi vous n'avez pas les cheveux longs? Pourquoi est-ce que vous rappez comme ça, de façon si agressive? C'était les filles qui étaient les plus terribles avec Cazé. Mais pour les élèves, elles n'étaient pas encore tout à fait légitimes parce que elle n'atteignait pas 2, 3 ou 10 millions de vues sur YouTube. Voilà. Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvasse, je dessine, passe à la piscine, l'été, le reste du temps sur plage, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent. Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens. Locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire c'est d'y être noir, donc minoritaire. Bêté par les débilités, que la télé déblatère, et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule masculine. Mes origines et mon air androgyne, je ne sais pas faire sans. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. On va dans la classe, on va sur le tapis. Vous avez toujours pas la bouche fermée. Un derrière le dos. Nolan, t'es tout seul. Leïla, tu vas avec Nolan. On avance. Merci aux enfants de l'école maternelle d'Albert et aux collégiens de Montreuil-sous-Bois. Merci à Emmanuelle Berthiaud, historienne et co-autrice du Rose et du Bleu, la fabrique du féminin et du masculin, Clément Boutillier, instituteur en école maternelle, Stéphane Clergé, pédopsychiatre, auteur de « Il faut sauver les garçons », Cédric Lemaireur, jeune père et créateur du blog « Le Mexpliqueur », enfin Nicolas Norito, professeur de français en collège. Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent? Éduquer les fils, l'apprentissage du masculin. Juliette Boutillier, réalisation Vincent Deck. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez secouer les injonctions, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour devenir un homme ou nous réécouter pour ne plus être un cliché, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.